22 11, activation orale, communication téléphonique. Écoutez les dialogues suivants. Vous allez entendre chaque dialogue en entier une fois, et puis vous allez jouer le rôle du personnage qui répond au téléphone. Par exemple, vous entendez... 1. Allô, est-ce que je peux parler à Madame Boulanger? Et vous répondez... C'est moi-même. Allons-y. 2. Allô, est-ce que je peux parler à ta sœur? Ne quitte pas, je te la passe. Allô, est-ce que je peux parler à ta sœur? Trois. Allô, est-ce que je peux parler à votre sœur? Ne quittez pas, je vous la passe. Allô, est-ce que je peux parler à votre sœur? Quatre. Allô, est-ce que je pourrais parler à votre frère? Ne quittez pas, monsieur. Je vous le passe. Allô, est-ce que je pourrais parler à votre frère? 5. Allô, je voudrais parler à Mademoiselle Bello, s'il vous plaît. Ah, je suis désolée. Elle n'est pas là. Allô, je voudrais parler à Mademoiselle Bello, s'il vous plaît. 6. Allô, Monsieur Bello? Ah, je suis désolée, mais il est sorti. Rappelez dans une heure. Allô, Monsieur Bello? 7. Est-ce que je pourrais parler au capitaine Nemo? Oh, je suis vraiment désolée. Il est en voyage. Est-ce que je pourrais parler au capitaine Nemo?